L'actualité à Nancy et ailleurs. À l'approche des fêtes de fin d'année, c'est bien sûr les traditionnels marchés de Noël qu'on a plaisir de retrouver. En voici un original, ce sera le dimanche 12 décembre à la salle Les Espélugues de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, organisée donc par l'Arche de Nancy. Franck, bonjour. Bonjour. Et bienvenue donc à Fadjet. Franck, responsable de la Canopée. Oui, c'est ça. Qui est une résidence de l'Arche. Pour expliquer aux auditeurs, c'est quoi ? En gros, c'est trois maisons où des personnes en situation de handicap et des assistants vivent ensemble, avec une majorité de personnes très autonomes qui travaillent la journée, qui travaillent en ESAT. Du coup, le principe de l'Arche, c'est vraiment de vivre des moments familiaux ensemble. Donc, on mange ensemble le soir, le matin, on prend le petit déjeuner, ensuite, on part au travail et on part chacun vaquer à nos occupations la journée. L'histoire de l'Arche, hein, ça remonte à 1964, hein, si je ne dis pas de bêtises, avec l'Arche de Jean Vanier. Et maintenant, ça existe un peu partout en France, même dans d'autres pays, je crois. Oui, c'est ça. Et à Nancy, donc trois maisons aujourd'hui. Oui, trois maisons, donc la Colombe, la Braise et la Canopée. Et vous accueillez pour la Canopée combien de résidents ? Alors à la Canopée, on a 10 personnes, dont 2 externes. Vous êtes responsable de ce centre, vous êtes assez jeune. Oui. Quel est votre parcours ? Alors en fait, je suis arrivé en 2017 en service civique et le projet vraiment m'habitait. Donc du coup, j'ai continué en volontariat associatif. Puis ensuite, j'ai continué en salariat et puis on m'a proposé une place de responsable dans la maison dans laquelle j'étais. Et j'ai accepté. Du coup, voilà, j'ai pris cette responsabilité, oui. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus justement dans cette aventure humaine ? Bah, je pense que c'est vraiment les moments fraternels avec les personnes en situation de handicap. Oui, ces moments fraternels où on partage des moments ensemble, on vit des moments ensemble, on prévoit des projets ensemble, on part en vacances ensemble. Ce qui ressort le plus, c'est être ensemble en fait, c'est vivre ensemble. Ce vivre ensemble, on va encore le voir concrètement avec le marché de Noël que vous organisez à l'Arche de Nancy le 12 décembre, oui. Au 149 avenue du Général Leclerc. Expliquez-nous un peu comment vous l'avez organisé, ce marché de Noël. Le marché de Noël, en général, c'est chaque année. Mais avec le Covid, du coup, on a dû arrêter pendant 2 ans. Chaque personne de chaque maison crée des objets en macramé, en tissu. Les parents aussi proposent des produits comme du miel, du foie gras, des choses comme ça. Du coup, c'est vraiment la réunion de la production de chacun, des parents, des personnes en situation de handicap, des assistants que l'on revend afin de faire du bénéfice pour pouvoir financer les projets du groupe d'entraide mutuelle. Comment ça fonctionne un groupe d'entraide mutuelle ? Alors le groupe d'entraide mutuelle, en gros, c'est chaque personne en situation de handicap et en situation un peu de solitude se retrouve et adhère à l'association. Et ensuite, entre eux, ils choisissent, ils décident des projets qu'ils vont créer, qu'ils vont mettre en place. Il y a tout un système qui s'est mis en place avec une administration, une trésorerie, un secrétaire ou une présidente, tout un système complet, quoi. Voilà, et pour permettre de sortir de cette solitude et voilà, d'avoir des activités ensemble, c'est quoi ? C'est aller au cinéma, c'est sortir dans la nature, c'est... Oui, c'est ça, ça peut être aussi simple que le cinéma et sortir en balade dans la nature que faire des plus gros projets comme partir à Paris plusieurs jours oui. Ou partir dans un pays à l'étranger ou des choses de ce genre, quoi. Donc ce marché de Noël va permettre de récolter de l'argent pour faire vivre ce groupe d'entraide mutuelle. Oui, tout à fait. Avec donc des idées cadeaux, des gourmandises aussi, histoire de se faire plaisir. C'est ça. Et je crois que vous organisez une tombola. Oui, tout à fait. On fait une tombola. On prend 3 paniers gourmands. Du coup, on vous invite à prendre vos tickets de tombola pour pouvoir gagner ces paniers gourmands et avec plein de produits du terroir de Lorraine. Et c'est toutes les maisons de Nancy qui participent à ce marché de Noël ? Oui, oui. C'est vraiment toute la communauté de l'Arche à Nancy. Alors comment on fait pour y participer ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Est-ce qu'il faut venir tout simplement le 12 décembre, c'est de 15h à 18h ? Oui, voilà, c'est ça, venir simplement de 15h à 18h, nous rencontrer, autant pour partager un moment autour d'un café, d'un vin chaud, d'un chocolat chaud, et puis aussi pour découvrir un petit peu ce que les personnes nous proposent. On dit rendez-vous dimanche prochain. Donc voilà, dimanche 12 décembre de 15h à 18h à la salle des Espeluges, derrière la basilique Notre-Dame de Lourdes, au 149 avenue du Général Leclerc. Et pour aller plus loin, pour découvrir l'Arche à Nancy, il y a aussi des sites internet. Hein. Oui, c'est simplement... ça. Il y a le site internet donc, de l'Arche à Nancy, la page Facebook de l'Arche à Nancy et aussi la page Instagram de l'Arche à Nancy. Merci beaucoup, Franck. Merci à toi. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.